J'arrive à hauteur d'un passage réservé aux piétons. Je suis tenu de laisser passer les usagers déjà engagés. Dans cette situation, je dois donc ralentir et éventuellement m'arrêter pour laisser passer cette femme. Réponse B.